Chapitre 32e. Quand on a voyagé ensemble en bateau pendant 24 heures, il semble qu'on s'est connu toute la vie. Le soleil du lendemain se leva sur la colonie de formation récente avec aussi peu de cérémonie que s'il eût déjà brillé 20 ans sur leurs têtes réunies. La première impression de Demian, au réveil, fut un peu étrange. D'abord, il ne s'était pas encore trouvé sur un bateau à vapeur. Ensuite, il n'avait jamais dormi en si nombreuses sociétés. Son premier regard rencontra les pieds de Madame Mianoff. Elle sommeillait paisiblement, absolument comme si elle eût été dans sa vilaine maison à colonnes. Rien qu'à voir ce sommeil, on comprenait combien peu l'idée de voyager pouvait l'inquiéter. Elle avait l'air d'une personne qui a passé son existence sur les divans de bateaux à vapeur et qui a appris à en tirer le meilleur parti possible au point de vue du confortable. Demian se mit sur ses pieds et essaya de rassembler ses idées. C'était à coup sûr une chose fort extraordinaire que de naviguer vers l'inconnu avec des gens qu'il ne connaissait guère. Mais les Russes ne s'étonnent pas pour si peu. Il finit par se rappeler nettement tout ce qui s'était passé depuis 2 jours et chercha du regard sa boîte à violon. Elle était à portée de sa main en lieu sûr. Alors il s'inquiéta de son frère. Ni Victor ni la petite Hélène n'étaient dans le salon. Demian monta l'escalier qui conduisait sur le pont, et le premier objet qui frappa ses yeux fut un foulard blanc qu'il avait vu la veille et qui pour le moment couvrait les cheveux de Mademoiselle Mianoff. Elle causait avec Victor, et ils paraissaient tous les deux fort affairés. « Que complotez-vous là ? » fit Demian en les surprenant par derrière. Hélène rougit et sourit. Victor se mit à rire. « Nous méditons de transformer le bateau en atelier de lingerie. » Mademoiselle Hélène se propose d'employer les loisirs du voyage à raccommoder nos effets, qui en ont bien besoin. « Ah bah ?» dit le jeune artiste avec indifférence, en s'asseyant sur un pliant qu'il était allé chercher. « Laissez ces vêtis. Les doigts sont faits pour jouer du piano ou du violon. »« Il y a longtemps que maman et moi nous n'aurions plus de robe, » dit Hélène en souriant, « si j'adoptais vos principes, monsieur Demian. »« Qu'est-ce que vous dites du voyage ?» reprit celui-ci. « Je suis contente, oh oui, bien contente. Que de fois j'ai regardé les bateaux qui descendaient la rivière en me demandant si un jour je ne ferais pas comme eux. C'était mon grand rêve, monsieur Demian. Je vais en ce moment vers ma terre promise. »« Vraiment ? Comment s'appelle votre terre promise ?»« C'est le Caucase, » dit Hélène en joignant les mains. « J'ai rêvé le Caucase toute ma vie. Il me semble que si je pouvais le voir, je mourrais sans rien regretter. » Demian, troublé, se leva et fit quelques pas sur le pont. L'air du matin fouettait le foulard blanc d'Hélène et jetait de temps en temps dans ses yeux les petits cheveux bruns qui frisaient doucement sur son front. Le regard de la jeune fille, dirigé vers le sud, semblait vouloir percer la distance et deviner dans le lointain la cime neigeuse du Kazbek. Il la regarda avec cette sorte de pitié bienveillante qu'ont les gens sensés pour les poètes. « Où avez-vous pris cet amour pour le Caucase ?» lui demanda-t-il. « C'est dans Lermontov, » répondit-elle avec une sorte de honte. « J'ai lu et relu ses vers sur ce beau pays et j'en rêve toujours. Est-ce que vous ne l'aimez pas ? Vous ne voudriez pas y aller ?» Demian fit un brusque mouvement. « Iriez-vous vraiment, si je vous le demandais ? » dit-il avec une expression singulière. « Je ferai tout ce que vous voudrez, » dit Hélène avec une soumission enfantine. « Nous irons peut-être, » reprit Demian. « Il y a quelque temps que j'y pense. »« Tu ne m'en avais rien dit, » s'écria Victor ébahi. « C'est une idée que j'avais en dedans, » répondit froidement le jeune artiste. « Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Les artistes ne doivent pas y aller souvent, c'est loin. »« Cela coûte cher, » fit observer l'homme pratique, le caissier de la troupe. « Et l'on gagne beaucoup d'argent ?» répliqua victorieusement Demian. « Du reste, ce n'est qu'un projet en l'air. » Après une chaude journée, le soir descendit peu à peu sur le fleuve élargi. La rive droite, haute et escarpée, devenait presque noire, pendant que l'autre, basse et couverte de prairies, semblait garder encore quelques clartés du jour évanoui. Les étoiles d'argent commençaient à piquer le ciel, çà et là, vers le zénith bleu, et un brouillard d'un gris rosé montait lentement de l'horizon, noyant les lignes et confondant les masses sombres des forêts lointaines. Tout à coup, à un détour du fleuve, les jeunes gens, debout sur le pont, poussèrent une exclamation joyeuse. « Un feu d'artifice !» dit Demian. « Une illumination !» fit Hélène. Le port de Nijni Novgorod, dit le capitaine en passant derrière eux. Le Volga en cet endroit mesure 2 kilomètres de largeur. L'Oka qui vient s'y jeter dessine des anses dans son estuaire et sépare la ville en 2 parties distinctes. La falaise de droite sert d'abri aux barques de toute taille, et sur le côté opposé, la vieille cité étale sa ceinture de remparts crénelés, ses tours bariolées et ses églises aussi nombreuses que petites et diverses dans leur architecture. La nuit tombante cachait les formes et ne laissait voir que la silhouette des tours et des jardins sous le ciel encore clair de l'Occident. Mais le port était une merveille. 2000 barques ancrées dans le golfe immense portaient chacune un fanal blanc au haut de leur mâture de hauteur variée. Les signaux de la navigation étaient indiqués par des lanternes rouges ou vertes, et le pont qui relie les rives de l'Oka, sillonné par d'innombrables voitures, formait une chaîne de lumière entre les deux villes, diverses de formes et d'apparence. Rien ne peut rendre l'effet de ces fanaux suspendus dans l'air par des mâts invisibles, et qui semblaient se déplacer à mesure que le bateau à vapeur avançait lentement vers le port. Les combinaisons de ces lumières aériennes se transformaient à chaque instant, charmant le regard sans le fatiguer, et formaient un coup d'œil peut-être unique au monde. L'époque prochaine de la foire annuelle motivait cette abondance de barques, dont quelques-unes venaient des affluents les plus éloignés du Volga vers l'est et amenaient des Tartares presque tout à fait sauvages. Au milieu d'une centaine d'autres bâtiments, avec des coups de sifflet multipliés que les échos des rives répétaient au loin, le bateau se fit un passage et vint aborder près du pont de l'Oka. Nos amis descendirent à terre et se virent au milieu d'une foule agitée dont tous les éléments étaient divers, où pas un homme n'était vêtu comme un autre, où l'on entendait toutes les langues de l'Orient et même le russe. « C'est un rêve, » dit la petite Hélène en s'accrochant à la manche de Victor. « C'est un rêve des mille et une nuits. »« Prenez garde aux 40 voleurs, » dit Madame Mianoff en français, « car ici c'est par milliers qu'ils se comptent. » De leur hôtel, qui regardait le faubourg où se tient la foire, les voyageurs eurent le spectacle bizarre de ce vaste espace absolument noir, car on n'y allume jamais de lumière. Couronnant le fleuve et la rivière étincelante de feu, le silence de cette ville, morte la nuit, bruyante et grouillante le jour, contrastait singulièrement avec l'animation de Nijni proprement dite, qui à cette époque ne s'éteint guère qu'une heure ou deux chaque nuit, avant le lever du soleil. Ils se couchèrent, et leur sommeil fut bercé par les sons lointains des instruments les plus bizarres. Le premier concert, promptement organisé, ne fut point particulièrement brillant. Nos amis, absolument inexpérimentés dans l'art de la réclame, s'étaient contentés de se servir de leurs lettres de recommandation pour les amateurs éclairés de la ville. Ceux-ci prêtèrent leur concours, mais la saison n'était pas très favorable. On ne s'occupait que de la foire prochaine, et la recette fut maigre. « Vous auriez dû vous adresser aux gros marchands, » dit un de ceux qui les avaient aidés à organiser la soirée manquée. « Ceux-là sont riches. » Et si vous aviez quelque chose à leur dire qui pût flatter leur fibre patriotique, vous seriez sûr de réussir. Ils sont là, des musiciens allemands. Vous devriez leur faire comprendre que vous êtes de vrais Russes. « De vrais Russes !» s'écria Victor. « Je le crois bien !» L'amateur se fit raconter la légende du violon. « Eh bien, » dit-il, « voilà l'affaire trouvée. Mettez sur vos affiches que M. Markov se fera entendre sur un violon russe, fabriqué à Moscou par son frère Victor Markov. Et puis allez dès ce soir au Moskovski Traktir, où vous jouerez un petit air de violon avec l'agrément du propriétaire de l'établissement, qui sera enchanté, et vous ferez sale comble dimanche. » Tout ceci ne plaisait pas beaucoup à Demian, qui n'aimait guère le charlatanisme. « Battre la grosse caisse n'est pas mon fort, » dit-il. « Je suis bon pour jouer tout ce qu'on voudra, mais me faire de la réclame à moi-même avec des sentiments que je considère comme sacrés, « il ne faut pas leur donner de concert en province, » dit l'amateur en souriant avec bienveillance. Demian avait le don de conquérir les gens en disant les choses les plus simples, peut-être grâce à sa grande simplicité. « C'est moi qui battrai la grosse caisse, » s'écria Victor avec une pétulance inusitée. « Il faut bien que je sois bon à quelque chose. Tu joueras, toi, Demian, et moi, je ferai les affiches. Tu peux te fier à moi. » « N'oubliez pas les journaux, » dit l'amateur. « Tout cela sera de mon département. Et toi, mon fils de roi, tu n'auras qu'à te présenter devant le public et à charmer les âmes. » En effet, du jour au lendemain, Victor, toujours actif, devint prodigieusement retors. Cette métamorphose, moins étonnante dans un Russe que chez un autre, grâce à la prudence instinctive et à l'esprit de commerce inné dans sa nation, était préparée longtemps d'avance et n'avait été retardée que faute de circonstances favorables. Victor avait longtemps médité le rôle qu'il serait appelé à jouer près de son frère. Il s'était rendu compte de l'indifférence de celui-ci pour les choses extérieures. Demian ignorait les comptes de la blanchisseuse. En revanche, quand il fallait la payer, il exigeait un reçu, ce qui avait consterné d'abord la pauvre femme, ignorante de l'art d'écrire, et convaincue qu'on l'enverrait en prison à cause de ce papier signé d'une croix. Victor s'était dit que toute sa vie serait consacrée désormais à visiter les journalistes, traiter avec les propriétaires de salles, chercher des artistes, etc. Et le moment lui sembla propice pour se lancer résolument dans cette nouvelle carrière. Vers 8 heures du soir, les deux frères entrèrent dans le Moskovski Traktir, superbe restaurant où se réunissait l'aristocratie marchande de la ville. Il n'y a presque pas de noblesse à Nijni. Le peu de propriétaires voisins qui essayent d'y passer les hivers restent sous leur tente et s'y ennuient avec dignité. La vraie population de la ville, à part les employés du gouvernement qui ne méprisent point tant les marchands auxquels ils ont affaire tous les jours, se compose des gros bonnets du commerce. Ce sont des hommes qui portent un caftan de drap bleu foncé, un bonnet de fourrure, des gants de tricot l'hiver, et qui, de leur petite boutique du bazar, le moment de la foire venu, remuent des millions de caisses de thé, des carabanes de fourrures précieuses, des tonnes de lingots d'or sibériens et des boisseaux de perles. Ces gens ont le sentiment de leur valeur commerciale aussi bien que personnelle, et veulent être traités en conséquence. Ils savent que leur retrait des affaires, s'ils leur prenaient fantaisie de liquider, serait un désastre pour leur pays. Sans ambition, car ils ne veulent ni grade ni position brillante, ils se bornent à posséder tout, chemin de fer, usines, canaux, mines et capitaux, et vont tranquillement dans les rues de leur ville de bois, se saluant jusqu'à mi-corps quand ils se rencontrent, et conservant dans leur famille la plus stricte discipline. C'est une notable partie de cette élite qui se réunissait tous les soirs au traktir pour y prendre le thé. Quelques-uns y dînaient, les veufs et les célibataires, les hommes mariés y venaient entre leur dîner de 3 heures et leur souper de 9. Là, on arrête les affaires, on prend des rendez-vous, parfois même on modifie le cours des marchandises, et pendant ce temps, les garçons de service, agiles et muets, courent d'une table à l'autre en pantalon de velours noir, à demi recouverts par une chemise d'étoffe de coton rouge pour les premiers garçons, blanche bordée de rouge pour les autres, les mains propres, sans tablier ni serviette. Leurs pas ne se font pas entendre sur les tapis épais qui garnissent le parquet. Une espèce de solitude est assurée à chacun par l'organisation des tables séparées par des cloisons à hauteur de l'épaule. Et 200 personnes prennent leur repas et traitent de leur intérêt sans faire plus de bruit qu'un bol de perdrix. De temps en temps, un surveillant, placé au fond de la plus belle salle, juge que le moment est propice pour régaler les consommateurs d'un peu de musique, et il tire une petite ficelle. Un orgue magnifique, haut de 5 ou 6 mètres, résonne alors avec une sonorité extraordinaire et joue les morceaux les plus brillants des opéras célèbres, et surtout La vie pour le tsar, aussi populaire en Russie que la muette le fut longtemps en France. Nos amis commencèrent par demander quelques consommations choisies parmi les plus chères, et les payèrent immédiatement, suivant l'usage. Puis Victor posa négligemment sur la table l'étui à violon, tout neuf et reluisant, qui attira l'attention de ses voisins. Au bout de quelques instants, un gros homme, vêtu du plus beau drap, taillé en long cafetan, d'après l'ancienne mode des marchands, s'approcha des jeunes gens et s'assit auprès d'eux. « Permettez-moi de vous demander, dit-il, si c'est un violon qui est là-dedans. »« Oui, répondit Victor, saisissant l'occasion par les cheveux, et un bon violon russe, le premier qui était fait en Russie, avec du bois russe, par un russe. C'est vous qui en jouez ? Fit le marchand sans se douter de l'humiliation qu'il infligeait à Demian par cette simple question. Tout individu qui arrive à la célébrité, même dans un genre restreint, se figure aussitôt que son nom et son visage sont connus de l'univers entier. Et il éprouve une déception amère toutes les fois qu'il s'aperçoit combien l'univers est resté étranger à sa gloire. « C'est mon frère, » dit orgueilleusement Victor en montrant Demian. « Un artiste russe aussi. Oui, messieurs, » fit le bossu en s'adressant à l'auditoire qui se formait peu à peu autour de lui. « Nous ne voulons rien que de national. » Trop longtemps nous avons demandé à l'étranger nos instruments, nos artistes, nos professeurs. La Russie a de quoi se suffire à elle-même, et nous ne voulons plus rien emprunter à des gens qui, au bout du compte, ne valent pas mieux que nous. C'est vous qui avez donné un concert l'autre jour ? Dit un nouveau venu qui avait remarqué la belle figure de Demian sur le seuil de la salle de concert. C'est moi, répondit notre ami, assez honteux du boniment que venait de débiter son frère. Vous avez joué de la musique qui n'était pas russe ? Fit observer l'épilogueur. C'était pour les Allemands qui sont ici, répliqua aussitôt Victor. Vous n'en manquez pas d'Allemands à Nijni. Vous ne manquez de rien, du reste. Votre ville, en ce moment, c'est le rendez-vous du monde entier. Un murmure d'approbation parcourut les rangs désormais pressés de l'auditoire. Figurez-vous, continua l'orateur, que nous avait dit une bourde. On avait prétendu que vous autres, marchands de Nijni, vous n'aimez pas la musique. Voilà une bêtise, dit un personnage respectable, orné d'une barbe blanche. Pourquoi alors aurions-nous le plus gros orgue que voilà ? Précisément, c'est une bêtise, reprit Victor imperturbable. Mais on nous l'avait dite, et nous l'avons cru. Aussi, quand nous avons appris la vérité, nous sommes venus ici vous demander votre concours. Est-il possible que vous refusiez d'aider un artiste russe à se faire entendre un public russe ? Nous voulons donner un second concert, et cette fois, nous ne jouerons que de la musique nationale. Nous n'aurions jamais dû faire autrement. L'affaire ainsi engagée ne pouvait manquer de réussir. Tous les marchands qui se trouvaient là offrirent leur concours sous des formes variées, et Demian, pour les récompenser de leur bon vouloir, leur montra le fameux violon russe et leur joua une brillante improvisation sur des motifs populaires qui réjouit tout le monde. En rentrant à leur hôtel vers 10 heures, ils s'empressèrent de frapper à la porte de Madame Bianoff pour lui faire part de leur succès. La petite Hélène vint leur ouvrir sur la pointe du pied. Sa maman avait envie de dormir, et il ne fallait pas la déranger. Le conciliabule eut lieu dans le corridor à demi-obscur et fut promptement clos par ces paroles qui sortirent de la chambre sur un ton dolent. « Hélène, viens me gratter le dos. Je ne pourrai jamais dormir sans cela. »« Tout de suite, maman, » répondit la jeune fille. « Quand répétons-nous ? » demanda-t-elle à Demian. « Demain, à 1 heure, dans la salle de l'hôtel de ville. Est-ce que votre maman a l'habitude de se faire gratter le dos ?»« Elle ne s'endort jamais sans cela, » dit Hélène en disparaissant, sur une nouvelle injonction de sa maman, moins dolente et plus impérieuse. Victor et Demian retournèrent à leur chambre, et le premier émit en route cette réflexion irrévérente. Je ne m'étonne pas que la petite Hélène ait les doigts agiles. Si elle a passé sa vie à gratter le dos de sa maman, elle a dû en effet y gagner quelque souplesse. « Bah, » fit Demian, « il y a bien des gens qui, pour s'endormir, se font gratter la plante des pieds. » Victor frissonna de tout son corps, comme si c'eût été la propre plante de ses propres pieds dont il était question. Puis il haussa les épaules. « Voilà tout de même un concert qui s'annonce bien, » dit-il. « Qui aurait deviné que j'avais en moi l'étoffe d'un orateur ?» Demian sourit avec condescendance. Il ne lui déplaisait pas d'avoir du succès, pourvu qu'il n'eût pas à préparer les voix. C'était un dilettante d'orgueil.